quand j'étais petit et que j'avais mal, toujours mon père me disait « Tais-toi Charles, tu ne dois pas pleurer, car tu es un homme, ne pas montrer que tu as mal en somme. » Alors, j'ai grandi, et la vie m'a fait pleurer, mais uniquement seul, dans ma tristesse enfermée. Aujourd'hui c'est fini, les dés sont jetés. Maintenant qu'il est mort, mon père, je peux crier. Crie de rage, car plus rien ne m'engage. Crie de haine, car trop de peine. Crie de cœur, car manque de veine. Crie de peur, car le monde est sauvage. Je suis 100% viande française, 0720013, AOC. Ce label tatoué dans ma chair est la chose dont je suis le plus fier. Et cette idée dont je suis convaincu, finalement, je me la mets où ?